de racialisation qui... je suis un peu cernée, là. C'est un relais, c'est un relais. Pardon. Et donc, c'est l'ensemble de cette racialisation qui est implicite dans ces différentes appellations qui continue à courir dans le terme musulman. Alors là aussi, il y a tout un domaine qui mériterait d'être exploré, à la fois à travers ce que l'on sait, par exemple, des enquêtes quantitatives telles qu'elles ont été mises en œuvre dans l'enquête Théo, mais aussi dans la dimension qualitative dans lesquelles on peut les traduire, qui serait effectivement cette question de savoir qu'entend-on par musulman. Est-ce que l'on entend arabe? Est-ce que l'on entend immigré? Est-ce que l'on entend indigène? Est-ce que c'est finalement une recomposition, un réassemblage de ces différentes dimensions qui est à l'œuvre à ce moment-là? Autrement dit, est-ce que la polysémie du terme n'est pas sous-estimée très souvent? Comme si, en fait, être musulman, c'était quelque chose qui était univoque et qui ne renvoyait qu'à une seule dimension, alors même que, de la même manière que immigré sous-entendait beaucoup de choses, que arabe sous-entend beaucoup de choses, musulman sous-entend tout autant un ensemble de dimensions qui ne sont jamais explicitées. Alors, ça, c'est une première dimension. L'autre qui est aussi intéressante, c'est de savoir comment est-ce que l'on qualifie le fait d'être musulman ou de pouvoir être référé à cette réalité musulmane. Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est dans l'ordre de l'assignation, c'est-à-dire de l'imposition de la nomination, et très peu dans la recherche d'un attachement ou d'une appartenance qui serait, en quelque sorte, revendiquée par la personne. Et ça, c'est un élément qui va clairement permettre de distinguer entre un processus de racialisation et un processus, par exemple, avec toutes les guillemets qui s'imposent, c'est moi qui les mets, un processus de reconnaissance des musulmans dans la plénitude de ce qu'ils sont. Donc l'assignation versus l'appartenance, l'attachement revendiqué contre une certaine assignation à une identité essentialisée et donc univoque, sont là aussi une possibilité qui nous est offerte pour comprendre en quoi est-ce que l'on est dans l'ordre de la racialisation, hein, c'est-à-dire de la réduction à une essence, et en quoi est-ce que l'on serait dans une forme d'exploration de nouvelles singularités ou de formes de subjectivité qui n'empruntent pas les mêmes répertoires et le même lexique que celui que l'on connaît de façon classique dans l'espace euro-atlantique. Ce sont là aussi des éléments dont on manque cruellement aujourd'hui pour comprendre en quoi est-ce que être musulman, ça n'est pas une appellation univoque et qui serait exclusive de tout autre. Autrement dit, dès lors qu'il y a racialisation, il y aurait tendance sans doute à considérer que la personne n'est que musulmane, homme ou femme, alors que si l'on était dans un autre ordre, qui serait celui, en quelque sorte, de l'expressivité individualiste, de la modernité tardive, pour le dire comme ça, je résume, eh bien là, il y aurait sans doute quelque chose d'autre qui viendrait s'adjoindre, non pas cohabiter, mais s'entremêler, s'enchevêtrer à cette désignation ou autodésignation de musulman. Je vous prie de m'excuser. Voilà, donc ça, c'est un des autres éléments qui me semble intéressant et qui mérite du coup de s'intéresser à la manière dont les musulmanes et musulmans n'existent pas indépendamment de ces groupes antérieurs auxquels ils sont renvoyés ou auxquels eux-mêmes se réfèrent, pour, dans un cas, lorsqu'ils y sont renvoyés, attester de l'isolement et de l'homogénéité qui les constituerait, et dans le cas où ils s'en revendiqueraient, de ces multiples groupes, de ces différentes affiliations, en quelque sorte, et pas simplement filiation, en quoi est-ce que cela renverrait à un processus de subjectivation. Autrement dit, ils ne sont pas une entité nouvelle, ils incarnent une figure renouvelée de quelque chose qui était déjà là, sous un autre jour et sous une autre apparence. Donc la question, effectivement, qui va du coup devenir très intéressante, c'est la question de l'apparence, puisque c'est essentiellement par là que l'on se saisit des musulmanes et des musulmans. Si ils ne sont pas si différents que cela des immigrants, dans la mesure où ils peuvent se considérer comme faisant partie de leur descendance, ou ils se considèrent comme héritiers de cette histoire-là, s'ils ne sont pas si différents des Arabes, ou même, dans une certaine mesure, des indigènes, et là je renvoie à l'ensemble des populations originaires des anciennes colonies, s'ils peuvent se référer finalement à l'ensemble de ces dimensions, et si, d'une certaine manière, ils ne sont pas autorisés à le faire, c'est donc bien qu'il y a quelque chose d'inédit dans cette réalité construite des musulmans et des musulmanes, qui n'est pas réductible, que l'on ne peut pas rabattre sur le fait d'être arabe, le fait d'être indigène, ou de se considérer comme héritier d'un indigénat quelconque, ou le fait d'être immigrant ou héritier de l'histoire migratoire et de parents immigrants. Donc dès lors, cette question de l'apparence, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'elle est traitée. Alors, l'hypothèse qui me semble être la plus vraisemblable, c'est que dans une large mesure, elle est traitée sur le mode du contrôle et de la discipline. Là, je ne m'énumérerai pas énormément de ce qu'on peut trouver dans la littérature de Foucault, et comme pratique de gouvernement des corps. C'est-à-dire que la racialisation est un opérateur du gouvernement et de la mise en ordre du monde, en quelque sorte. Donc la racialisation va opérer comme domestication des corps et des esprits, qui en quelque sorte prélude à une autre dimension qu'on pourrait appeler, ou à un objectif qu'on pourrait appeler celui de la domestication des citoyens. Ça serait sans doute une des modalités de ce que tu appelles la conversion républicaine, en fait. Donc cette domestication des citoyens, en quelque sorte, on pourrait dire que ça correspond terme à terme à la racialisation des musulmans et musulmanes. La domestication est une modalité qui va être mise en œuvre par la racialisation, et les musulmanes et musulmans sont d'autant plus l'objet de cette domestication par la racialisation qu'ils sont des citoyens. Autrement dit, il y a un élément qui est éludé lorsqu'on parle de musulmanes et de musulmans qui la ressurgit sous sa forme la plus saisissante, c'est que c'est précisément parce qu'ils sont citoyens qu'ils font l'objet d'un processus ou d'un régime de racialisation. S'ils étaient, alors, vous me direz, mais en général, c'est l'inverse qu'on pense, c'est-à-dire que dans l'esprit commun ou dans le sens commun, dire musulmane ou musulman, c'est précisément dénier toute forme de citoyenneté. Alors, c'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on ne le pense pas très fort, hein, ça peut être un sous-texte, ça peut être un sous-entendu, et ça peut être un ressort extrêmement puissant, en fait, de pratiques qui, par ailleurs, ne vont pas être qualifiées dans ces termes. Hein, donc il y a comme une espèce de mobile qui n'est jamais énoncé et qui consisterait à rappeler que, effectivement, c'est parce que les musulmanes et musulmans en question sont déjà citoyens qu'ils sont plus susceptibles de faire l'objet d'une racialisation. Alors, je passe sur les paradoxes que cela implique, hein, c'est-à-dire que ça voudrait dire que, finalement, entrer dans la République, c'est, à un moment donné, accepter de se soumettre à un processus de domestication qui va prendre la forme de la racialisation. Ce qui évidemment nous renvoie, nous laisse perplexes et pensifs par rapport à l'ensemble des attendus de ce que c'est que la définition de la République en termes à la fois politiques et symboliques, y compris dans ces modalités de mise en forme. Enfin, je pense qu'ici vous avez eu largement de quoi alimenter ce paradoxe et peut-être réduire la perplexité dans laquelle on pourrait se trouver. Donc on peut en faire l'économie, il n'y a pas de perplexité à avoir, en fait c'est finalement sans doute d'autant plus vraisemblable que nous, dans une certaine mythologie républicaine, il n'y a pas eu en fait d'absence de la race qui aujourd'hui ressurgirait de manière extrêmement violente, quoi qu'en dise la Constitution de 1958. Il y a toujours eu en fait un gouvernement par la racialisation qui était un gouvernement qui ne s'énonçait pas objectivement, qui n'avait pas vocation à être explicité et à faire l'objet donc de discours officiels, mais qui opérait très clairement tout au cours de la séquence républicaine, à tel point d'ailleurs que, effectivement, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'idée qu'on aurait donc un retour de la race ou un surgissement de la race. On serait passé de la question sociale à la question raciale, mais en fait, la question sociale a toujours été raciale. Qui nous permet enfin de sortir de dilemmes que nous ne parvenons pas à surmonter. Oui, enfin, je pense qu'on peut le formuler comme ça. La question sociale a toujours été raciale, en ce qu'elle, par exemple, délimitait l'espace de celles et ceux qui pouvaient relever de la question sociale en des termes raciaux. C'est-à-dire qu'il y avait une éligibilité à la question sociale, d'une autre manière, à raison de la race à laquelle on pouvait être assigné. Donc, dès lors que vous échappiez en quelque sorte à des procédures de racialisation, vous deveniez le sujet légitime de la question sociale. Donc, c'est sans doute ce qui fait qu'il y a eu une éclipse à un moment donné du traitement racial ou de la racialisation telle qu'elle s'opérait dans l'ensemble de l'espace de la République. Mais c'est précisément cela qui, aujourd'hui, a atteint son terme. C'est-à-dire que nous sommes sortis de l'éclipse de la race et nous retrouvons, en quelque sorte, la plénitude, l'intégralité des processus de racialisation tels qu'ils se sont toujours opérés, même s'ils n'étaient pas formulés en ces termes. Donc, domestication des corps et des esprits. Alors, qui dit donc racialisation ne dit pas simplement examen à la surface des corps et de la peau, remonter à la surface tout un ensemble de caractères qui vont être ensuite assignés ou attribués à l'objet de cette racialisation, aux objets multiples et divers. Il y a aussi une autre dimension que je vais essayer d'examiner plus précisément maintenant, qui en fait renvoie à ce que Elsa Dorlin appelle la sexuation, Colette Guillaumin appelle le sexage, ou ce que j'ai essayé de traiter sous le terme de la sexualisation, comme d'autres. Donc en fait, là, il s'agirait de faire fonctionner conjointement, et sans doute pour comprendre les formulations contemporaines les plus immédiates de ce processus de racialisation, il s'agirait de faire jouer ensemble sexualisation et racialisation. Alors, autant de procédures qui s'appuient sur une pluralité de registres. C'est pour ça que j'étais retournée lire donc Marcel Mauss. Alors, il y a tout ce qui est de l'ordre du parement, de la parure, on pourrait dire ça comme ça, du vêtement, effectivement, de quelque chose que Dorlin de nouveau appelle le régime d'apparition dans l'espace public, ce que je pourrais aussi appeler d'ailleurs le régime de disparition de l'espace public, c'est-à-dire que, alors, comment on y apparaît, comment on en disparaît, comment on s'en soustrait en quelque sorte, et comment du coup, à force de se soustraire de l'espace public, on dissout les frontières explicites de l'espace public. Il y a aussi toute une autre série de registres qui sont aussi des régimes, d'une certaine manière, et qui sont le régime, par exemple, de la disponibilité sexuelle et matrimoniale des femmes, qui a été largement débattu dans le cadre, notamment, de la signification attribuée au voile, par exemple, et d'autres dimensions encore qui ont à voir avec la conformation des mœurs et des choix matrimoniaux des hommes. Ce n'est pas exactement des registres qui se superposent. Ils sont légèrement décalés, précisément parce qu'ils opèrent selon des modes de sexuation de la racialisation différents, mais complémentaires pour autant. Dans un cas, ce qu'il faut, ce n'est pas tellement s'intéresser, par exemple, à la conformité des mœurs des femmes, puisque finalement, les femmes finissent toujours par obéir aux injonctions de mœurs qu'on leur impose, surtout si elles sont naturalisées. Alors que précisément, pour les hommes, il s'agit de vérifier très étroitement la correction des mœurs dont ils témoignent. Donc c'est en ce sens-là, effectivement, que la racialisation va opérer sur un mode qui est celui d'une hétéronormativité très stricte. S'il y a bien un groupe dans lequel les hommes et les femmes existent encore, c'est bien chez les musulmans. Partout ailleurs, c'est la porosité et le flou identitaire non seulement observé, mais très fortement prescrit. Il y a une prescription très forte au flou des identités sexuées, mais dans le monde, dans l'environnement, ou dans le milieu ou l'écosystème des musulmans et musulmanes, c'est quelque chose qui est, alors, qui nous est présenté comme n'existant pas. Alors, on sait très bien que c'est faux, n'est-ce pas ? Il paraît qu'il y a des hommes et des femmes qui sont musulmans et qui se revendiquent comme homosexuel, pour utiliser le langage estampillé, sachant que l'homosexualité n'existe qu'en Occident, n'est-ce pas ? Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, on pourra en discuter par la suite, si vous le souhaitez. Et ce sont des catégories qui sont donc celles qui sont prescrites précisément par l'espace euro-atlantique. Alors, à supposer effectivement que l'on admette que cette partition existe, même si elle n'est pas revendiquée par les acteurs elles-mêmes et eux-mêmes, il y a effectivement un effet normalisateur il y a un effet de conformation très puissant qui fait que c'est à raison de cela qu'ils doivent s'exprimer. Il n'est pas attendu de la part des musulmanes et des musulmans qu'ils s'expriment autrement qu'en tant qu'hommes et femmes. Donc ça, je voulais le rappeler parce que c'est sans doute un des opérateurs les plus puissants de la racialisation. C'est-à-dire que l'altérité raciale dans ce contexte-là, elle repose aussi sur une forme d'étrangeté des identités sexuées qui continuerait en quelque sorte à réitérer, à reconduire la norme hétérosexuelle comme si cela constituait une particularité de ce groupe-là, alors même que l'on peut observer dans l'ensemble de la société et au fur et à mesure des soubresauts sociétaux que traverse par exemple la société française qu'il y a bien une hétéronormativité qui n'est pas celle de groupes minoritaires mais qui est celle du groupe dominant hégémonique. Donc j'insiste sur ce point qui me semble important, c'est qu'il y a comme une sorte de malentendu qui s'instaure d'emblée et qui consisterait à vouloir faire croire que les musulmans sont les seuls opérateurs de l'hétéronormativité et qu'ils en seraient les seuls reconducteurs, y compris à travers des comportements d'incorrection des mœurs, de soustraction au marché sexuel local, de reconfiguration matrimoniale qui prétendent échapper ou qui prétendraient échapper à la norme, à la prescription de l'entrée dans le marché matrimonial local, autochtone. Hein. C'est toute la question du mariage mixte qui obsède depuis très longtemps un certain nombre de fonctionnaires à la direction des populations et des migrations, pour ne citer que cet endroit. C'est pas, enfin, je pense que le ministère de l'Intérieur doit aussi beaucoup s'intéresser à ces questions-là. Donc ces procédures hein, qui visent à compter annuellement le nombre de mariages mixtes, elles renvoient précisément à un implicite qui n'est jamais énoncé, qui est celui de la racialisation de certains groupes, et notamment des musulmans, constitué comme un groupe homogène. Hein, on a bien compris. Donc cette homogénéisation de l'ensemble des pratiques, qui sont à la fois des pratiques sexuelles, matrimoniales, sexuées, hein, du point de vue de l'accoutrement, du vêtement, du parement, de l'apparence, en fait, répond à une préoccupation qui, elle, n'est jamais énoncée, qui est celle de la pureté raciale de la société française et du fait qu'elle est de plus en plus menacée par des logiques de contamination. Donc nous sommes là dans une posture tout à fait paradoxale, c'est-à-dire de renvoyer à un groupe minoritaire une représentation du monde qui, finalement, est parfaitement majoritaire, hein, qui est celle de l'hétéronormativité, d'une part, et de prétendre contester, par exemple, ce qui aujourd'hui semble être à peu près attesté, c'est-à-dire une tendance à l'endogamie ou à l'homogamie matrimoniale parmi les descendants de migrants, alors même que l'idée qu'il pourrait y avoir une transformation de la francité, hein, c'est-à-dire de ce que peut être l'identité française, est une idée qui a proprement alimenté des épisodes récurrents, persistants, de panique morale dans l'ensemble de la société française. Donc on est face à un paradoxe tout à fait intéressant, c'est-à-dire que plus on observe de l'endogamie et plus, en fait, il est fait reproche de ne pas obéir aux prescriptions du mélange, et plus ce mélange interviendrait, par d'autres voies d'ailleurs, mais aussi par les voies matrimoniales, qui nous sont impénétrables, n'est-ce pas ? On ne va pas y regarder trop près, c'est pas à moins d'être dans une société du contrôle maximalisé. Plus ces voies donc sont explorées et plus en fait elles font l'objet d'une suspicion croissante de la part de l'ensemble du discours public qui prétend définir ce que c'est que la francité. Donc il y a là un espace de racialisation très puissant qui joue précisément sur les pratiques sexuelles, sur les pratiques matrimoniales, qui vont être en quelque sorte ensuite inférées de l'accoutrement. C'est-à-dire que quelqu'un qui se voile, par exemple, c'est une femme qui se voile, c'est une femme qui, j'avais eu l'occasion de développer ça par ailleurs, qui clairement se soustrait au marché sexuel et matrimonial local. Elle refuse, elle refuserait, c'est ce qu'on a à faire, on n'en sait trop rien finalement, qui épouse-t-elle, dans quelles conditions, que sait-on de sa vie intime par ailleurs. Finalement, moins on en sait, mieux on se porte, puisque ça permet d'attester qu'effectivement, elle échappe à l'ensemble des prescriptions qui lui sont faites. Et de la même manière, plus un jeune homme va présenter les signes de son appartenance à la religion musulmane, et plus on va en inférer que, en fait, il est en train de faire sécession à l'égard du marché sexuel et matrimonial local. Alors même que s'il s'y trouve, il est à peu près sûr d'être accusé de concurrence déloyale. N'est-ce pas ? Je le rappelle, hein, c'est là où on est encore une fois dans le paradoxe. C'est d'ailleurs pour ça que la figure du garçon arabe a eu une longue postérité. On aurait préféré que ça s'arrête, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est que précisément, le garçon arabe, c'est celui qui fait une concurrence involontaire à l'homme autochtone sur son territoire. Hein, donc à la fois son territoire sexuel, son territoire matrimonial. Donc nous sommes effectivement là saisis de perplexité de nouveau sur les effets tout à fait paradoxaux de ces injonctions contradictoires, de ces injonctions paradoxales. Conformez-vous aux prescriptions sexuelles matrimoniales qui sont normatives, comme dans n'importe quelle société d'ailleurs, c'est-à-dire que même lorsque vous êtes censé avoir une exprimer votre singularité émotionnelle, sentimentale, amoureuse, d'une certaine manière, vous ne faites que rejoindre à ça, mais c'est des choses que les sociologues connaissent bien, qui en général d'ailleurs traumatisent complètement les étudiants de première et de deuxième année lorsqu'on leur dit, mais en fait, c'est que de l'homogamie sociale, on voit, sur l'amour, on n'a rien à y voir, alors donc effondrement dans la salle, n'est-ce pas ? Ça vaut aussi pour les dits musulmans et musulmanes, pas d'originalité de ce point de vue-là. Donc plus, en fait, on vise à la singularité et plus on se conforme, et plus, d'une certaine manière, lorsqu'on est étiqueté musulman et musulmane, on risque fort de tomber sous le coup d'une interprétation racialisante des pratiques dans lesquelles on s'engage. Donc c'est toute la difficulté, effectivement, de parvenir à démêler ce qui est de l'ordre des mécanismes classiques de prescription, de conformation à la norme, et ce qui est de l'ordre de quelque chose qui vient non pas se surajouter, mais amplifier, potentialiser, en fait, la prescription à la conformation, et qui est, en fait, un mécanisme de racialisation, et qui, de fait, va constituer ce groupe comme un groupe à part, comme un groupe singulier, différent, irréductible, et donc insoluble dans le grand désordre amoureux qui fait le propre des sociétés euro-atlantiques. C'est quand même ce qui les singularise par rapport aux autres. C'est que non seulement nous sommes dans le désordre amoureux, mais nous pouvons même nous en plaindre, hein, n'est-ce pas ? Nous pouvons déplorer ce grand désordre amoureux. Alors, je voulais peut-être aussi insister sur un autre point, puis renvoyer à différentes lectures que j'ai pu faire. Je ne vais pas épuiser aujourd'hui ce que les unes et les autres m'ont inspiré, parce que je suis dans le cours de ces lectures, mais je vais vous les soumettre de manière à essayer d'aller un peu plus loin. Donc si effectivement on essaie de déjouer cette espèce de piège de la racialisation par un renvoi à l'hétéronormativité, hein, c'est-à-dire que ce qui permet de racialiser, c'est précisément l'idée qu'il y aurait une hétéronormativité autre et qui serait d'une certaine manière la seule qui subsisterait. Je parle au conditionnel, puisque nous savons que la société française dans son ensemble, y compris dans ses fondements symboliques, et dans ses fondements, on pourrait dire juridiques, est une société éminemment hétéronormative, qui entend bien continuer à faire perdurer les hommes et les femmes sous tous leurs aspects, y compris de géniteurs et de génitrices. Donc si on essaie d'aller plus avant dans cette exploration et de voir comment est-ce que les mécanismes de la racialisation opèrent, il s'agit de savoir qu'est-ce que ça produit, en fait. Lorsqu'on racialise quelqu'un, qu'est-ce que cela peut produire ? Et précisément, lorsque ce sont des discours publics, des pratiques institutionnelles, tout un ensemble de routines administratives qui viennent en renfort de cette pratique de la racialisation. Autrement dit, nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose qui serait dans le ciel des idées, un peu fumeux. Non, c'est quelque chose que l'on pourrait tout à fait, de façon phénoménologique et dans le cadre d'une observation serrée, on pourrait effectivement mettre ça en évidence, et ça a déjà été fait, y compris parmi les personnes qui m'ont invité ici. Il y a un certain nombre d'éléments, effectivement, qui plaident en faveur d'une racialisation qui fait partie des routines de l'administration, du gouvernement des corps. Donc cela produit, assez classiquement, ce que ça produit, c'est des êtres inférieurs. Mais pour les raisons que j'évoquais au tout début, nous sommes un peu en difficulté par rapport à cette idée que ça produirait des êtres inférieurs, puisque nous admettons que la racialisation est à proportion de l'égalité formelle, si ce n'est réelle, entre les personnes concernées. C'est-à-dire que c'est parce que ce sont des citoyens que, et des citoyennes, qu'ils font l'objet de la racialisation. Donc les êtres inférieurs, du coup, se situeraient sur un autre plan. C'est-à-dire que ça ne serait pas sur le plan de l'égalité formelle, ça ne serait pas sur le plan de, on pourrait dire d'une certaine manière, de l'attestation objective qui va être faite par les papiers d'identité, par l'accès à un certain nombre de services ou de privilèges, si on l'entend comme ça. Donc l'infériorisation, elle va porter sur autre chose. Et il semble bien, effectivement, qu'à travers ce processus de racialisation des égaux citoyens qui seraient marqués par une différence, l'infériorisation va porter précisément sur la différence qui est manifestée. C'est-à-dire que ce qui constitue le stigmate infériorisant de ce groupe ou des individus qui y sont, qui y sont renvoyés, c'est le simple fait d'être musulman. Autrement dit, être musulman, ce serait un signe d'infériorité. Ça constituerait un signe de différence, certes, mais de différence qui est infériorisante et qui, du coup, en quelque sorte, va marquer d'indignité les personnes auxquelles cela se voit attribué. Indignité qui peut aller, d'ailleurs, jusqu'au fait de leur dénier le statut de citoyen. Donc, dans ce contexte-là, la racialisation prend le pas sur toute autre réalité objective, qui peut être d'ailleurs attestée par les personnes concernées, et cela constitue des êtres inférieurs à raison de leur religion, par exemple, ou de l'appartenance culturelle ou ethnique qui leur est attribuée. Cela va constituer aussi des êtres inadaptés, c'est-à-dire, alors, en raison de leur infériorité ou pas, mais en tout cas des êtres inadaptés, des êtres inadaptés à l'environnement dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire que cette racialisation contribue à accréditer l'idée qu'ils seraient inaptes à fonctionner, à évoluer, et donc, a fortiori, à contribuer aux sociétés dans lesquelles ils se trouvent. Donc, dans le contexte de la société française, on peut en noter plusieurs éléments. Alors, l'élément le plus flagrant, c'est par exemple le traitement qui a été fait du voile, qui effectivement était un signe d'inadaptation et donc d'inaptitude, voire le fait d'être indigne de vivre dans la société française. C'est-à-dire que ça finissait par aboutir à la conclusion que les jeunes femmes voilées, puisque ce sont les jeunes femmes qui nous intéressent, autrement dit les personnes en âge de procréer, on peut le dire comme ça, c'est quand même ce qui intéresse l'essentiel des processus de racialisation, hein. C'est la question de savoir quels enfants ces femmes-là vont porter, qui porte des enfants, quels enfants portent-elles, et donc comment vont-elles contribuer à la reproduction de l'espèce. Donc dans ce contexte, effectivement, non seulement elles sont indignes de vivre dans la société française, mais elles et leur descendance, leur progéniture est tout aussi frappée d'indignité, hein, et d'inadaptation par rapport à la société française. Donc ça a des effets profonds. Ça n'est pas simplement une sorte de jeu social qui se jouerait à la surface des choses, ce sont les corps qui sont littéralement saisis par ces processus de racialisation, par production d'inadaptés, puisqu'en quelque sorte, ça veut dire que, y compris leur vie matrimoniale, les enfants qu'elles vont porter et qu'elles vont mettre au monde peuvent être l'objet de la même opération de racialisation. Donc il y a une espèce de généalogie de la racialisation qui peut se transmettre de génération en génération, comme on a pu connaître dans d'autres époques des généalogies du racisme inscrit dans l'histoire familiale migratoire, par exemple, hein, où finalement c'est quelque chose que, sous forme y compris de sens ou de bon sens, se transmettait de parents à enfants. N'est-ce pas, sous le mode de toute façon, on ne peut pas attendre grand-chose de la société dans laquelle on se trouve parce qu'elle ne veut rien nous accorder et de toute façon, on ne peut pas lui faire confiance vu la manière dont elle nous traite. Donc c'est cet ordre inégalitaire, en quelque sorte, hein, de l'inadaptation qui peut se transmettre de génération en génération, d'autant plus que cette racialisation va... alors, je prenais l'exemple de la jeune femme voilée, mais ça peut en fait aussi, comment dire, s'arrimer, hein, s'agripper à tout un ensemble de traits qui sont, en quelque sorte, inféodés à des tempéraments, à des humeurs. Alors là, je reprends l'analyse assez classique de la race, hein, qui, évidemment, n'est pas réductible à la surface de la peau ou à la couleur de la peau, mais la race qui va effectivement s'inscrire dans des tempéraments, dans des humeurs, qui finit par, en quelque sorte, s'inscrire dans une génétique de la population, hein, qui, de ce fait même, se voit reconduite de génération en génération, qui renvoie à une enveloppe corporelle marquée par aussi la couleur ou la difformité, par exemple. Alors, je pense notamment à le dernier opus du Point, de la semaine dernière, déjà, je pense, hein, cette affiche tout à fait fascinante, où, en fait, ils ont quand même l'air très laid, quoi, il faut le dire. N'est-ce pas ? C'est très accentué, je suppose, puisque... avec oui, voilà. Nos ennemis, tout à fait. Et donc, ça, c'est un bel exemple d'une expression de l'altérité par la difformité, ce qui me conduit ou me renforce dans l'incertitude qu'il faut travailler sur la beauté, quand même, c'est très important, n'est-ce pas ? De la même manière qu'il faut travailler sur la pilosité, il faut travailler sur la beauté, parce que ce sont des signes tout à fait tangibles des modalités de construction racialisées de l'altérité. Après tout, si seulement ils étaient beaux, quoi. C'est un peu le sous-titre qu'on pourrait mettre en dessous de nos ennemis, c'est « Ah, mais s'ils s'étaient avisés, mais finalement, est-ce que leur laideur n'est pas un indice de autre chose, n'est-ce pas, qu'on ne saurait qualifier ?» Donc il y a ces éléments-là qui ne sont pas du tout des éléments de surface, qui ne sont pas des éléments anodins, mais qui, en fait, contribuent à l'impression, à l'imprégnation dans un climat racialisant qui, de fait, va se perpétuer, y compris dans cette dimension-là. Il y a un autre aspect que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est le contrepoint de ce que je disais sur... finalement, ce serait le seul groupe qui continuerait à prôner l'hétéronormativité, encore une fois, au conditionnel, et qui est celle de l'ambiguïté sexuelle. Alors ça, c'est un aspect tout à fait important, puisque les musulmans font partie de ce groupe auquel on attribue à la fois une trop forte normativité sexuelle et en même temps une ambiguïté sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont insaisissables. Vous voyez, ils sont partout, on ne sait jamais si finalement tout ça, ça n'est pas de la perversion. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui leur est attribué, y compris dans la manière dont ils continuent à pérenniser les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire que dans leur manière d'être des hommes face aux femmes musulmanes, ou aux femmes non musulmanes, d'ailleurs, plus encore, sans doute, il y a quelque chose de l'ordre d'une perversion. Hein, donc, cette ambiguïté sexuelle qui porterait à la fois sur leur pratique et sur leur état d'esprit, hein, donc sur une sorte de complexion mentale tout à fait spécifique, contribue à renforcer ce processus, ou en tout cas à qualifier ce processus de racialisation. Je prends juste un exemple de ça qui est intéressant, puisqu'il a une audience bien plus vaste que toutes celles que pourraient avoir les analyses critiques de l'islamophobie, qui est un des épisodes de la série Homeland, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. Alors, je crois que c'est dans la saison 1. Il y a un épisode dans lequel... alors, je me souviens là. Il y a un Séoudien qui est désigné comme homosexuel. Hein, c'est-à-dire qu'en fait... il a des liaisons avec des hommes, tout en étant polygame, par ailleurs. C'est assez classique pour les Séoudiens, n'est-ce pas ? On sait ça. Et donc, dans l'épisode en question, ce qui est très bien montré... C'est le prince qui est soupçonné de financer... Alors, c'est un diplomate, prince, c'est ça. Parce qu'en fait, il a une double identité. Il est prince, comme tous les Séoudiens, n'est-ce pas ? Il y a rien d'autre que des princes en Arabie Saoudite. En ce moment, ils n'y sont pas allés, c'est clair. Et d'autre part, il est diplomate. Hein, c'est-à-dire qu'il a une identité diplomatique à Washington. Sinon, bien, il n'est pas simplement là. Contrairement à d'autres princes séoudiens qui, eux, ne font que passer, n'est-ce pas, notamment pour renouveler leur harem. Je vous renvoie à cette série tout à fait passionnante, n'est-ce pas, dont le titre est tout à fait... Alors là, pour le coup, ne trompe pas, Homeland. Hein, je veux dire, c'est la suite du Patriot Act dans sa version série télévisée. Quoi. C'est absolument fascinant. Il y a une espèce de lignée directe. Et donc, l'analyse tout à fait intéressante qu'on peut faire de cet épisode, et qui fait déjà l'objet d'une thèse, hein, parce qu'il y a un étudiant qui m'a écrit à ce sujet-là, il s'intéresse particulièrement à cet épisode, et qui, effectivement, montre qu'on est bien dans un cas de figure où, en fait, on assigne de façon normative et prescriptive un acteur dont on ne sait pas, finalement, quelle est l'ensemble des pratiques sexuelles, on l'assigne à l'homosexualité pour, en quelque sorte, le piéger en prétendant, en fait, le dénoncer comme étant normalement quelqu'un qui est hétérosexuel, mais qui aurait des pratiques homosexuelles. Alors, ce qui est très intéressant dans l'épisode, c'est que lui dit « mais je m'en fiche ». Et alors, vous allez dire que je suis ce que je suis, soit. Vous allez donc dire que j'ai à la fois des relations avec des femmes, les miennes, en l'occurrence, et des relations avec des hommes. Mais en quoi est-ce que ce serait Alors, autrement dit, il explique que ça n'est pas pour lui quelque chose de menaçant. Ça ne met en rien en péril ni sa conception de sa vie sexuelle, ni ce qu'il prétend en donner à voir ou pas, d'ailleurs, au monde extérieur, ni d'ailleurs, ça ne pourrait remettre en cause ni sa position de prince, ni sa position diplomatique. On dit qu'il y a une espèce d'innocuité complète de l'accusation qui lui est faite et qui est là et mise en évidence dans le feuilleton, sauf que les scénaristes ne comprennent pas qu'il fallait en tirer les conclusions jusqu'à leur terme. Et finalement, il faut croire que ce personnage un peu trop ambigu et assez difficile à manipuler devenait encombrant puisqu'ils finissent par le tuer. Hein, d'ailleurs, il meurt à la fin de l'épisode hein, parce que bon, c'est un peu compliqué à gérer. Donc ça nous donne aussi une mesure intéressante de la manière dont l'ambiguïté sexuelle est en fait construite par ceux-là même qui racialisent. Et elle est construite sur un mode négatif, hein, c'est-à-dire sur un mode pervers, sur un mode de l'insaisissable, sur un mode de quelque chose qui échapperait en quelque sorte à l'entendement et à l'ensemble des pressions normatives qui pourraient être faites. Et c'est effectivement ce que, de façon tout à fait presque dans une sorte de pirouette ironique, démontre ce personnage d'un feuilleton. Alors, l'hypothèse que faisait l'étudiant, qui me semble peut-être un peu hâtive, c'est que lui pensait que c'était un cas typique d'homonationalisme. Hein, donc, je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Alors, l'homonationalisme, c'est d'ailleurs dans le contexte d'une étude très serrée hein, de la perception des musulmans et notamment de l'ensemble de la guerre contre le terrorisme aux États-Unis que ce concept a été développé par une chercheuse qui s'appelle Jaspir Puar, qui enseigne à Rutgers aux États-Unis et qui prétend démontrer qu'en fait l'homosexualité est devenue un des étendards des nationalismes occidentaux contre tout un ensemble de représentations et de présences alternatives, notamment dans le cadre de la lutte contre les sociétés arabes, hein, parce qu'en fait elle explique que c'est pas simplement une lutte contre le terrorisme, au cas où on l'aurait pas compris, n'est-ce pas ? Effectivement, derrière ce paravent ou cette présentation de la guerre contre le terrorisme, il y a bien une volonté d'imposer un modèle civilisationnel sur le mode de la mission civilisatrice, en fait. Voilà. Donc je finis rapidement sur les deux, trois auteurs avec lesquels j'essaie de réfléchir à tout ça. Alors, je ne vais pas revenir sur l'orientalisme à l'œuvre dans tout ça. Et je vais plutôt essayer de proposer une brève hypothèse que j'avais développée aussi dans le cadre du séminaire que j'avais fait sur la perception des révolutions arabes dans le contexte euro-atlantique. Et en fait, ce serait l'idée que les musulmans, quelle que soit la forme, quel que soit le type de traitement dont ils sont l'objet, contribue à une entreprise qui est, à mon avis, celle du réenchantement par la réorientalisation. C'est-à-dire que nous serions, en fait, dans une séquence où, ayant atteint la phase d'épuisement de la sécularisation, hein, c'est-à-dire d'un sécularisme qui s'interroge lui-même, voire même n'est pas avéré, hein, c'est-à-dire que la sécularisation est en cours. Donc ce qu'il faudrait, c'est en quelque sorte réenchanter ce processus-là, en le réorientalisant. Et donc, de ce point de vue-là, de la même manière que les révolutions arabes ont été à un moment d'une grande intensité, presque une sorte d'épiphanie, c'est un rapport enchanté au monde arabe, ça n'arrive pas tous les matins quand même, donc on en a vraiment profité. De la même manière, c'est à cela, et c'est en cela que l'islam serait un contenant qu'il faut remplir. Et on pourrait le remplir précisément de cette fonction qu'on lui assigne, qui est celle de réenchanter le monde à travers ce processus de réorientalisation, hein, c'est-à-dire de réintroduction d'une dimension orientaliste du monde que les musulmans servent depuis toujours. Donc là, les travaux de Edward Said et la discussion qu'en fait Gilad Nijjar me semblent tout à fait intéressantes. Alors, Edward Said, c'est disponible en français, mais Gilad Nijjar, c'est pas disponible en français, malheureusement. On en a parlé la semaine dernière. Donc, voilà, ça se prolonge. Effectivement, il a une manière tout à fait intéressante de discuter la question de, notamment, de la race sémite, de ses prolongements contemporains, et du fait que la religion paradigmatique peut se reconfigurer. Si elle a pu être pendant très longtemps le judaïsme, elle est aujourd'hui très clairement l'islam. Donc c'est aussi de cela que l'islam est rempli, c'est d'une sorte de feuille de route ou de fonction qui lui est assignée, qui est celle d'être la religion par excellence la seule religion qui subsisterait sans être entamée en quoi que ce soit par le processus de sécularisation. Donc, nous sommes là dans une discussion tout à fait intéressante hein, qui nous renvoie à tous ces binarismes classiques sur tradition-modernité, sur archaïsme et modernité. Là aussi, enfin, tous ces binarismes-là peuvent, peuvent être facilement ou en tout cas utilement déconstruits par la discussion entre Aninja et la présentation de l'orientalisme, en tout cas de l'islam dans l'orientalisme par Edward Said. Il y a l'autre auteur que je n'aurai pas le temps de développer, mais qui me semble intéressant, important, c'est Fanon, lorsque à la fois il discute les fonctions paradoxales du dévoilement des femmes à Alger. Bon, ce texte-là a déjà été commenté maintes et maintes fois. Ce qui me semble intéressant, c'est la manière dont il dit à la fois, lorsque les femmes sont sommées de se dévoiler, elles apparaissent comme déguisées, en tout cas c'est un peu l'interprétation que j'en comprends, hein, c'est-à-dire qu'elles apparaissent comme dénaturées en fait, elles apparaissent comme devant jouer un rôle qui n'est pas le leur, et en même temps, lorsque elles se dévoilent délibérément, notamment dans le cadre de la lutte révolutionnaire, c'est là qu'en fait elles prennent un contre-pied leurs ennemis, puisqu'elles vont parvenir à faire passer leur dévoilement pour une nature profonde. Hein, parce que l'idée c'est de parvenir à camoufler, hein, et là je reprends une notion qui d'ailleurs se retrouve chez Jasper Pouard aussi, hein, donc quelque part les femmes dévoilées de 1958 se retrouvent dans l'homonationalisme tel qu'il est critiqué aux États-Unis. Donc il y a là une interprétation divergente entre le dévoilement comme continuation de l'oppression à travers les femmes et le dévoilement comme entreprise d'émancipation à travers la lutte révolutionnaire. Ce sont bien les mêmes femmes qui, dans un cas, sont dévoilées contre leur volonté et se dévoilent à raison d'un objectif révolutionnaire. On a là aussi des éléments tout à fait intéressants chez Fanon qui nous permettent de remettre en discussion toute cette procédure de racialisation des femmes musulmanes, notamment à travers le fait qu'étant voilées, elles sont radicalement différentes. Hein. Et qu'elles ne peuvent pas, en quelque sorte, être opératrices de multiples stratégies dans le cadre de leur voilement. Je passe aussi sur l'impulsivité criminelle des Nord-Africains à la guerre de libération nationale. Donc ça, c'est un chapitre très intéressant chez Fanon, puisque l'impulsivité criminelle, c'est quand même quelque chose qui est aussi omniprésent dans les modalités de racialisation des hommes musulmans. C'est quelque chose qui en constitue presque leur propre. Sur les dimensions de l'ambiguïté sexuelle, tous les travaux de Georges Moss qui portent en fait sur la montée du nazisme et sur l'usage qui a été fait du judaïsme dans ce contexte-là, et des juifs plutôt que du judaïsme d'ailleurs, hein, c'est-à-dire de la figure des juifs notamment en Allemagne, est absolument majeure parce qu'elle nous permet de comprendre quelque chose, hein, c'est-à-dire comment est-ce que la respectabilité sexuelle durant la montée du nazisme va être administré par la preuve que les juifs ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, les juifs sont précisément le mauvais objet dans cette démonstration. Ils ne sont pas respectables, ni sexuellement, ni racialement d'ailleurs. Et il y a toute une thématique, une thématisation de cette dimension-là qui va se faire à travers la notion de maladie, hein, c'est-à-dire qu'ils sont maladifs et ils sont efféminés. Or, on retrouve là encore un lexique, un répertoire qui est fortement activé dans la perception racialisante des musulmans, autant que des musulmanes d'ailleurs, donc il faut savoir lesquels. Comment est-ce qu'on peut être un être sain lorsqu'on est musulman, hein, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'on on risque d'être ressaisi par la maladie constamment, et en quoi est-ce que l'efféminité est une dimension structurante, en fait, là aussi paradoxale, de la perception qui est à l'œuvre dans l'image, la figure du musulman. Il est à la fois surviril, hétérosexuel violent, mais il est aussi efféminé. Et c'est quelque chose qui ne cesse d'osciller. C'est pour ça que la question des robes portées par les hommes musulmans est très importante, n'est-ce pas ? C'est, en tout cas, peut-être pas pour eux, mais pour ceux qui les regardent, ça c'est sûr. Et c'est aussi pour cette raison... Enfin, là, je rappelle un épisode qui n'est quand même pas anecdotique, mais Breivik a très clairement cadré dans l'ensemble de la logorée électronique qu'il a fourni hein, à son public, il a très clairement énoncé le fait qu'il fallait lutter contre l'islamisation et l'efféminisation de l'Europe. deux processus qui sembleraient, dans son esprit, être étroitement liés. Hein, c'est pas, islamisation voudrait dire efféminisation, et efféminisation, en quelque sorte, nous serait inoculée, à nous, Européens, par la présence des musulmans. Et donc, pour finir, je voudrais juste fournir un élément de réflexion qui, là, est à ses débuts. C'est-à-dire que la racialisation, au fond, ce serait quoi ? Ça serait une forme de purification ethnique, hein, qui opère par la partition et qui est mise au service de ce que je propose d'appeler la sécurité identitaire. Donc il y a un objectif tout à fait légitime, tout à fait licite, on va dire comme ça, qui va se décliner sous diverses formes, l'identité nationale, tout ce qu'on veut. Donc c'est cette finalité de la sécurité identitaire serait donc opérée, serait donc entreprise à travers une purification ethnique qui va s'opérer à travers cette racialisation par la partition. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et je vous remercie de vos questions à venir. Merci. Merci. Je laisse la parole à la salle, sauf si Marwan, tu as tout de suite. Oui, profiter de l'autorité qu'on a. Exactement, okay. Je profite toujours. Généralement, quand ça part, ça ne revient pas tout de suite. Un des éléments que tu avais mis en avant, tu sais, quand tu parlais de cette scène, de cet entretien collectif avec les Comoriens, pour qu'ils te renvoyaient à ta blanchitude, il m'arrivait la même chose au Brésil, d'être considéré comme blanc, c'est bizarre. Cette expérience, ça dure 3 semaines, mais c'était assez, assez rigolo, ce déplacement. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il ne mettait pas en avant immédiatement la question de la religiosité. C'était pas immédiat. Pour eux, alors tu as dit que pour eux, l'hypothèse que tu avançais, c'était qu'ils voulaient mettre ça de côté, parce qu'il y a suffisamment de choses à gérer. Donc, on va affronter la question de la race, de la couleur de peau, et puis la question de la religiosité. Si on accumule, ça fait beaucoup. Mais ça pose plus largement la question de l'interprétation des interactions, de l'expérience, en fait. Je dis ça parce que quand j'ai exploité un petit peu l'enquête Théo sur la question des discriminations liées à l'appartenance religieuse, j'ai été frappé. Parmi la population qui se disait musulmane, de la prégnance du sentiment des discriminations en fonction des origines ou de la couleur de peau, mais finalement, très peu, vu la place qu'occupe le débat sur l'islam, très peu de remontée, de ressenti, de discrimination sur la base de la religion. Mm-hmm. En gros, si on prend les Maghrébins, et notamment les descendants de Maghrébins, beaucoup plus que leurs parents, on était sur du 35-40%, ça dépend les origines. Alors que sur la question de la religion, il y a 5% des musulmans, de ceux qui se disent musulmans, à mettre en avant le fait qu'ils ont été discriminés sur un principe religieux. Là, on n'est pas dans un entretien, c'est un questionnaire, ils peuvent très bien cumuler au niveau des réponses. Ce qui m'interroge, moi, sur la capacité de discerner dans une interaction ce qui relève de quoi. Et au fond, ce que valent ces données-là qu'on peut recueillir, parce que ça résonne vraiment avec ce que tu as mis en avant. Merci. On fait une tournée. Mmh. Oui. Merci, parce que depuis 3 ans, je fais ma thèse, c'est la première fois qu'on est aussi proche de mon sujet. La conférence est aussi proche. Donc, je fais une thèse sur la généalogie du mot musulman, donc les différents usages aujourd'hui du mot musulman, à la fois à travers ceux qui se disent musulmans et ceux qui disent musulmans. Donc, dans cet échange. Donc, je parle de la polysémie musulmane, religion musulmane, culture musulmane, religion musulmane, sensibilité musulmane. Et puis, j'étais par les musulmans athées, les ex-musulmans, la partie des indigènes, les musulmans patriotes, enfin, pour essayer de voir justement où était le marqueur culturel, du marqueur religieux, du marqueur identitaire. Et moi, j'analyse tout ça à travers le processus d'ethnicisation. Et vous parlez de la racialisation. Donc je me demande pourquoi vous ne parlez pas d'ethnicisation? Lorsque j'ai été au Parti des indigènes, on voit bien, Outaja, elle dit clairement, pour moi, musulman, c'est une race sociale. C'est-à-dire, on n'est vraiment que dans l'assignation qui est structurelle. Et elle dit, jamais je me suis dit musulmane avant. D'ailleurs, c'est son article fameux, on est des musulmans fondamentaux. Alors, on voit bien, il me semblait que dans la racialisation, quand vous l'évoquez, on est vraiment dans une hétéronomination, c'est-à-dire une nomination de l'altérité. Or, par exemple, avec les indigènes, ils investissent cette catégorisation eux-mêmes. Donc je me demande, est-ce que dans la racialisation, on n'est que dans une hétéronomination? Et lorsque vous, une autre question aussi, lorsque vous parlez de la robe, est-ce qu'on ne pourrait pas se situer dans l'ethnicisation, dans le sens où ça serait un signe culturel différenciateur, dans l'expression de barbe? Et voilà, je vais m'arrêter là. Mais j'ai plein d'autres choses en tête. C'est déjà beaucoup. Ouais. On va commencer ou... ouais. Ouais. Alors, pour répondre à ton interrogation, en fait, j'en suis pas tellement plus loin là-dessus, parce que je me rends compte que c'est cette question de savoir qu'est-ce que l'on fait dire à des interactions dans lesquelles on a été engagé. On est toujours engagé dans l'interaction, il y a des fois où on se sent plus engagé que d'autres. En fait, il y a déjà cet élément-là qui est absolument central, donc on va pas refaire la cuisine interne de la sociologie, c'est assez classique de dire ça. Mais il y a un aspect qui, effectivement, là, que l'on accueille ou pas. Hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi ne pas accueillir. On peut éluder, ça peut nous passer au-dessus de la tête, et puis on peut dire, mais non, en fait, c'est parce qu'ils ont une... Enfin, il y a une espèce de désajustement dans la perception de ce que je suis. Ah, je suis arabe, donc je ne peux pas être blanche. Tu vois, de la même manière que pour toi, tu serais tenté de te dire, mais c'est drôle, comment ils me perçoivent pour me dire ça? Or, ça fait aussi partie du répertoire de perception possible. Autrement dit, dire que les Arabes sont blancs, ça n'est pas complètement invraisemblable. Voire même que lorsqu'ils sont blancs, ils ne sont pas arabes. Ils sont autre chose. Et c'est précisément ça qui est à l'œuvre, sans compter que tu pourrais sans doute ajouter des choses que moi je n'y mets pas. Et voilà. Donc il y a donc tout un ensemble d'assemblages là, qu'il faudrait essayer d'opérer et qui, effectivement, ne sont pas opérés en général. Et ça, c'est un autre problème. Ça a à voir beaucoup avec la difficulté dans laquelle on peut se trouver à du point de vue du chercheur, à faire raison et rendre raison de cela. Ça, c'est un domaine qui, pour le moment, est très peu exploré, hein, parce qu'il y a aussi les pièges de la mise en situation de soi qui peuvent se retourner contre soi. Bien des circonstances dans lesquelles c'est à prendre avec beaucoup de mesures et beaucoup de prudence. Non pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut savoir jusqu'où on peut le faire et comment on le fait. Ce qui, en fait, aussi nous met sur un plan de symétrie par rapport aux personnes auxquelles on tend des questionnaires, auxquelles on pose des questions. Et ça me semble tout à fait... c'est très, très intéressant. Et, enfin, il n'y a pas de complaisance dans cette manière de dire. En fait, non. C'est précisément parce qu'on n'est pas complaisant que c'est très intéressant comme question. Alors, pour ce qui est de ce que tu dis sur cette manière de se tenir à bonne distance de certaines discriminations pour en mettre en relief d'autres. Oui, pardon. Cette question de se départir de certaines discriminations pour n'en citer que d'autres, de la même manière que finalement, je peux dire, et ça c'est quelque chose que j'admets volontiers, c'est que dans le cours de l'entretien qui avait été conduit avec les Comoriens, après tout, c'est peut-être notre problème qu'on n'en ait pas parlé. Comment se fait-il qu'on les ait suivis sur le terrain du racisme à raison de la couleur de peau et qu'à aucun moment on ait réussi à... Alors après, c'était l'heure d'aller chercher les enfants parce que la cloche sonnait, voilà. Les circonstances, le caractère contingent de l'entretien a fait qu'on n'a pas pu aller dans ce sens-là. Et donc, il y a aussi la stratégie des acteurs qui conduisent à développer une certaine orientation de la conversation pour en éluder une autre, qui était celle de l'islam. Et on pourrait imaginer, effectivement, que de la même manière, dans le cadre de l'enquête Théo, ils continuent à faire la même chose. Alors même que, comme tu le dis, ils ne sont pas contraints. Ils pourraient très bien répondre à cette question-là. Alors, est-ce que ça dénote une claire conscience de la charge symbolique et discursive du fait de mobiliser simplement le terme religion ? Qu'est-ce que, dans un contexte où, qui est celui de la France, hein, on ne va pas revenir sur l'ensemble du cadrage idéologique, symbolique que ça implique, Est-ce que c'est pas ça, en fait, qui... C'est à une claire intelligence de l'écologie politique dans laquelle on se trouve. Une intelligence tellement aiguë qu'en fait, par des effets de jugement et d'une espèce d'arbitrage intime, on va en venir à ne pas parler de religion et à parler de la couleur de peau, de l'origine. Alors pourquoi ? Parce que c'est trop délicat, c'est trop violent pour soi, c'est quelque chose qui finalement va faire l'objet d'un traitement qui peut justement renvoyer à de l'hétérodésignation. C'est que ça fournirait des éléments pour qu'en quelque sorte tout vous échappe du coup. C'est-à-dire que si tu rentres dans la discussion sur « je suis discriminé à raison de ma religion », en fait tu rentres dans, tu contribues au processus de racialisation par essentialisation. Dire « je ne suis que ça ». Et est-ce que ce n'est pas ça qui, en fait, fait qu'à un moment donné, là, il y a tout un ensemble d'hypothèses qu'il faudrait poser pour essayer de comprendre les limites, en fait, de cette expression-là. Ou est-ce que, par ailleurs, autre hypothèse, il y a quelque chose de proprement impensable à être discriminé à raison de ce que l'on valorise. C'est-à-dire, si effectivement la religion est constituée comme une valeur positive... c'est-à-dire comme quelque chose qui vous structure positivement, de façon harmonieuse, de façon est un facteur d'équilibre. Alors encore faudrait-il savoir si c'est comme ça que les personnes le définiraient. Comment peut-on venir à désigner la religion comme facteur de discrimination, autrement dit, comme quelque chose qui est aussi un facteur d'affaiblissement, de destruction personnelle, de fragilisation. Toute cette question, qu'est-ce qu'on met derrière le mot religion, sachant qu'en l'occurrence, il n'est pas qualifié, je crois, dans l'étude théo. Si. Est-ce qu'il y a marqué islam? Islam, je suis musulman, voilà. Est-ce que je pratique, est-ce que je porte un voile? Alors, c'est très détaillé quand même, ouais. La question de l'appartenance. Et les gens disent, oui, je suis très attaché. D'ailleurs, les seuls à dire, je suis très, très attaché à ma religion, c'est très important pour moi, c'est les musulmans et les juifs. Beaucoup plus que les autres. Alors, et c'est aussi ceux qui sont le plus sensibles à cette question-là, mais avec des scores très bas. C'est ça. Donc ça veut dire que... Ouais. Donc là, il faudra peut-être réfléchir aux raisons pour lesquelles on ne peut pas, en fait... Il y a quelque chose de proprement impossible ou insupportable du point de vue de sa subjectivité que de constituer ce que l'on estime être absolument vital pour soi comme un facteur de discrimination. Je veux dire, là, il y a peut-être cette question de la dissonance cognitive, quelque chose qui, en fait, te mettrait dans une position impossible, tu vois. Il faudrait voir si c'est les mêmes personnes qui disent les deux. Est-ce que c'est les mêmes qui valorisent au plus haut point leur religion et qui, en même temps, disent que c'est un facteur de discrimination. Oui. Et donc, si c'est les mêmes, il y a... Ça, c'est toute la question de... C'est toute la question des enquêtes quantitatives, en fait, c'est-à-dire des limites qu'elles produisent même dans le cours de leur conduite, que ce soit la distribution des questionnaires ou ensuite l'analyse, c'est que autant ces tensions-là, on peut les mettre en évidence dans des entretiens qualitatifs, mais là, on n'a pas les éléments, en fait. Donc il faut sans doute, du coup, compléter ça avec des enquêtes un peu plus fines, dans lesquelles on laisse l'espace de la prise de parole, qui permet effectivement de la même manière que pour les Comoriens, on a accepté ou en tout cas on a rien fait contre la nécessité qu'ils semblaient nous imposer de ne pas parler de l'islam et de parler beaucoup de leur couleur de peau. Ça mériterait effectivement qu'on aille un peu plus profondément et qu'on tente de surmonter cette limite du travail de terrain. Mais là, c'est en l'état, c'est quelque chose d'indécidable. On ne peut pas vraiment aller à l'encontre de ça. Il y a des échelles de racialisation et d'appréciation des formes de racialisation qui sont supportables ou pas. Il y a sans doute quelque chose de cet ordre. Comment opère cette échelle? Comment on la constitue? Comment chaque acteur et actrice est amené à la constituer et à ne pas la laisser, en quelque sorte, à ne pas l'abandonner à l'interlocuteur face à soi. C'est pas la personne qui pose la question qui décide, c'est soi qui, en quelque sorte... va considérer que dans l'échelle de la racialisation et de l'appréciation qu'on peut en faire, il y a quelque chose qui revient à l'enquêter. En dernière instance, c'est lui qui décide. Mais que fait-il en décidant cela? Effectivement, ça reste entier. Sur la question que vous évoquiez, sur la question de l'hétéro et de l'autodésignation, Et puis sur la distinction que j'opère entre... Parce que vous y entrez par ethnicisation et moi j'y entre par racialisation. Pour avoir beaucoup, au cours des dernières années, lu de choses et même commis des choses sur l'ethnicisation, j'avoue que je suis un peu embêtée parce que l'ethnicisation n'a pris qu'une seule acception qui est toujours négative. C'est-à-dire, l'ethnicisation, c'est toujours l'autre. Et c'est toujours pour altériser négativement, c'est pour effectivement établir les frontières entre les groupes légitimes et illégitimes. L'ethnicisation n'est pas du tout pensée en termes de quelque chose qui serait constitutif de l'expérience individuelle et collective. Même si vous la référez d'ailleurs aux représentations, même si, alors qu'on sait que... On peut remonter deux secondes à la définition que Max Weber donne du groupe ethnique. Quoi. C'est le sentiment d'appartenance qui fait. Voilà. Alors même si on ne s'arrête pas à ça, même si on va plus loin dans les différentes modalités de mobilisation du terme, d'une certaine manière, en France, on est resté au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on continue à considérer que l'ethnicité n'est pas un objet... voilà, ça fait partie des divers. Et donc, à ce titre-là, c'est quelque chose qui ne peut pas être examiné dans sa plénitude. Autrement dit, il n'y a pas d'ethnicité qui soit auto-revendiquée, qui soit auto-définie, quand bien même elle ne serait que, si on l'admet, effectivement, une construction forgée dans le sentiment d'appartenance, avec les logiques frontalières, les logiques centre-périphérie, enfin, tout ce que ça peut mobiliser, mais ce n'est pas en ces termes-là que ça se joue. Alors... Ça ne veut pas dire que je l'élude, mais ça veut dire que dans ce contexte-là, il me semble intéressant d'explorer quelque chose qui l'est beaucoup moins, parce qu'on pourrait dire, effectivement, les musulmans ou l'islam fait l'objet d'une ethnicisation. Hein, c'est-à-dire qu'on réduit, voilà, on réifie les musulmans en les renvoyant à une stricte ethnicité, d'ailleurs, dont ils ne sont même pas les producteurs, hein, qu'ils ne feraient que subir ou reconduire sans aucune forme de subjectivité ou de réflexivité. J'essaie autant que possible, même si je continue à travailler sur ces questions-là et à les enseigner, hein, j'essaie autant que possible de me distinguer de ça et peut-être en radicalisant encore plus le propos. Et c'est sans doute pour ça que je pense que le terme de racialisation permet de toucher à quelque chose de beaucoup plus central, qui est les modalités d'essentialisation. Alors, elles sont présentes dans l'ethnicité, hein, mais elles le sont encore plus dès lors que l'on parle de race. Ce qui pose un problème lorsque l'on se revendique ou lorsque l'on qualifie la race sociale, pour moi, ça me semble, c'est une des modalités en fait de l'exercice de la race comme système de pouvoir et système d'oppression, on pourrait le dire comme ça. Hein. Si c'est effectivement à la fois un rapport social, un rapport de pouvoir et un rapport qui va opprimer, aliéner, voire même exploiter, hein, parce qu'on peut exploiter à raison de la racialisation, c'est un bon mécanisme dans le contexte. Du capitalisme, hein, la racialisation est un bon opérateur de l'exploitation. C'est une modalité parmi d'autres. Donc en fait, les musulmans ne sont pas seulement une race sociale, c'est aussi d'une certaine manière un opérateur symbolique. C'est pas l'objet de la racialisation, c'est aussi le vecteur par lequel passe la racialisation. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'imaginer qu'en fait, ils sont là tout au long du processus. Jamais eux, enfin jamais les personnes concernées, mais la manière dont ça s'est construit, ça fonctionne à toutes les étapes du processus, en fait. Donc ils ne sont pas simplement l'objet final, hein, ils ne seraient pas finalement le résultat du processus, mais ils sont en fait constamment activés à toutes les étapes. Donc il y a une sorte de... comment dire ? De musulman mental, en fait, qui est constamment opératoire dans l'ensemble de ces procédures. Et qui donc, et là je vous rejoins complètement, hein, mériterait d'être aussi considéré en termes d'auto-nomination. Alors, ça, c'est l'autre difficulté pour laquelle la question de la race et de la racialisation est très intéressante à examiner. C'est que ce que l'on ne parvient pas à faire de la même manière avec l'ethnicisation, en France notamment, hein, donc dans cette culture universaliste abstraite, aveugle aux couleurs et aux différences, c'est le fait d'admettre que la race est un fédérateur. C'est-à-dire que c'est un espace de reconnaissance mutuelle, notamment dans le groupe dominé et minorisé. C'est difficile à expliquer parce que c'est contre-intuitif, en fait, je pense, dans un premier temps, mais c'est aussi parce que ça heurte complètement tout ce que l'on peut penser par ailleurs à la fois du terme et de son usage, y compris au plan historique. Or, en fait, je crois que ça, c'est un domaine de recherche qui sera vraiment intéressant à explorer. C'est comment est-ce que l'autonomisation passant par la racialisation, en fait, se fait beaucoup plus souvent qu'on le fait. Et alors, pour reprendre l'exemple des Comoriens, en fait, ce que font les Comoriens lorsqu'ils s'aperçoivent qu'on est là en tant que blanc et qu'il faut donc s'excuser auprès de nous de nous avoir désignés comme blancs, c'est qu'en fait, ils s'auto-racialisent en tant que noirs. Et ils ont l'air absolument très à l'aise là-dedans. D'ailleurs, ils sont presque un peu gênés qu'on ait assisté à une telle scène. C'était très intéressant. Je veux dire, on a eu le sentiment d'être des intrus, quoi. Et donc, ça, c'était exactement le moment où on s'est dit, ah, mais eux, ils se vivent comme noirs. Ça va, tout va bien, quoi. C'est juste que de temps en temps, il y en a qui nous rappellent au fait que ça pourrait poser un problème. Et pour nous, ça n'en pose pas. Donc, cette sorte d'interaction, de rencontre improbable entre des blancs qui viennent poser des questions à des noirs sur la manière dont ils sont racisés et le fait que les noirs, dans une conversation collective très détendue, très amicale, finissent par s'apercevoir qu'ils sont en train d'expliquer qu'est-ce que ça fait que de recevoir le racisme des blancs sans finalement y accorder plus d'importance que ça. C'est-à-dire que effectivement que ça les affecte, mais ils ont leur compte à soi. Ils savent très bien qu'être noir, c'est pas un problème, c'est juste un problème pour ceux qui les regardent. Et donc ça, c'était vraiment un moment très intéressant où, du coup, ça revient à ce que me disait une fois une collègue qui est anthropologue sri-lankaise et qui me disait, il faudrait prendre au sérieux la race. Dire arrêter de penser que, alors soit ça n'existe pas, hein, c'est-à-dire que c'est un domaine qui est complètement tabou et qu'il faut définitivement, c'est un épisode qu'il faut clore, y compris dans l'histoire et dans la mythologie, soit considérer que c'est un opérateur, un vecteur absolument destructeur des identités, destructeur des subjectivités. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal. Alors, dans son esprit, elle, je voyais bien, elle me dit, mais moi, je veux travailler comme ça. Alors, elle est anglophone. Ça peut peut-être expliquer. Ça, c'est quelque chose dont on n'arrive pas à s'emparer. La race, à la fois comme système de pouvoir et d'oppression, mais aussi comme, système, comme espace de reconnaissance. Et on pourrait dire que le parallèle avec le genre est assez frappant. Je veux dire, c'est comme ça que la sororité est devenue pensable. C'est parce que le travail de déconstruction du genre comme système d'oppression, comme différenciation hiérarchisée et d'instauration d'un binarisme entre le sexe masculin et le sexe féminin, c'est très clairement comme ça qu'une fois qu'on explique ça, il devient possible, entre opprimés, c'est-à-dire entre femmes opprimées, de penser l'espace d'une autodésignation comme femme qui ne soit pas en fait une péjoration, mais qui soit un espace d'épanouissement. Donc c'est toutes ces questions-là qui restent aujourd'hui. Ça serait bien qu'on puisse les explorer dans le contexte francophone, pour parler que de ça. Je profite de mon autorité avant de passer la parole. Deux choses. J'ai pas répondu sur les robes, mais. Ah, non, c'est pas grave. En fait, c'est. Du coup, il y a. Oui, puis est-ce qu'il faut vraiment dire. Alors là, je suis dans l'ethnicité, là, je suis dans la race, vous voyez, alors je n'ai. Voilà, on est. Des concepts, mais je pense que c'est. Là, du coup, ça. Oui. À quel moment je suis dans l'ethnicisation, à quel moment je. Ouais. Alors peut-être qu'il faut peut-être être juste, c'est ce que j'essayais de dire au début, mais peut-être que ce n'est pas clair. Hein. Il me semble que la race fonctionne comme le propre d'eux, hein, c'est comme ça que ça est construite, c'est-à-dire ce qu'il faut c'est attester et accréditer l'idée que c'est le propre de quelqu'un ou d'un groupe, alors que l'ethnicité ce serait un attribut. C'est quelque chose qui peut être référé à, mais qui n'est pas intrinsèquement constitutif de la personne. Donc, c'est toutes les questions de langue, de religion, etc. En fait, on voit bien en quoi est-ce que, par exemple, la religion peut passer d'un traitement en termes d'ethnicité à un traitement en termes de race. Donc, c'est cette circulation-là qu'il faut permettre, en fait. Sachant que la race, c'est une des modalités de l'ethnicité, il me semble. Donc, là, du coup, on élargit le panel. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, mais il s'agit de multiplier les outils disponibles. Je sais pas. Donc, on pourrait, effectivement, examiner les accoutrements masculins, par exemple, qui ne font pas l'objet d'un intérêt très soutenu, de ce point de vue-là. Est-ce que c'est un attribut, comme tous les vêtements, d'une certaine manière, ou est-ce que ça traduit quelque chose de l'ordre d'une racialité profonde ? Et ça n'annoncerait que l'expression en surface. Voilà. C'est ce qu'a été le voile à un moment donné. C'est-à-dire que ça a été considéré comme l'expression en surface de quelque chose qui est le propre de la personne. C'est marrant d'utiliser le mot robe. C'est pour réduire la distance. Ouais. C'est aussi pour susciter le. C'est pour dépayser, en fait. Non, mais c'est ça. C'est pour dépayser, c'est parce qu'en fait, en plus, je sais que c'est un répertoire très vaste. En fait, les hommes qui portent des robes, il y en a énormément de toutes sortes. Alors nous, on connaît que Jean-Paul Gaultier, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et je crois que c'est ça aussi. Hein, c'est le fait de dépayser le répertoire qu'on veut examiner pour ne pas, justement, tout de suite, le naturaliser. Tu vois, si tu dis il y a des hommes musulmans qui portent des robes, ben d'un seul coup, tu dis « Ah ouais, tiens, j'avais jamais remarqué que ça pouvait dire comme ça. » Tu portes un autre regard dessus. Mais après, ça demande à être décliné, effectivement. Mais... J'aurais dû porter un camis au Brésil. J'aurais été en robe et blanc. Et là t'aurais perturbé tout le dispositif. Ouais, c'est pareil. Première question, c'est tout à l'heure tu as dit que c'est parce qu'ils sont citoyens que les musulmans sont racialisés. Donc je me pose la question de la relation entre le processus de racialisation et la question de l'égalité, de statut juridique, social, de manière générale. Donc dans la situation coloniale, ce n'est pas le cas. Donc, comme tu sais, la racialisation, elle s'est faite, elle a justifié une inégalité juridique, sociale, etc. Donc aujourd'hui, si on prend la période postcoloniale, on a vu dans le séminaire qu'en France, le moment où il y a vraiment une connexion entre la question musulmane et la question immigrée, c'était au moment des grandes grèves contre les licenciements au début des années 80, où là, en l'occurrence, ce n'était là encore pas les citoyens, c'était des étrangers qui se mobilisaient pour des revendications salariales. Et au moment où on a une volonté d'égalité, on va dire, économique, pas tant juridique, l'idée qui est sur la dignité, où là, on a un discours racialisant qui s'appuie sur le signe de l'appartenance religieuse. Donc j'aimerais que tu développes un peu sur le lien entre le processus de racialisation et la question de l'égalité entre le racialisant et le racialisé, pour reproduire les choses très vite. Ensuite, deuxième question, c'était par rapport à ce que tu as dit, tu as évoqué rapidement à la fin, sur la notion de réenchantement. En gros, si j'ai bien compris, la réorientalisation de l'islam, donc le contenu vide, comme tu dis, qui est rempli de manière diverse, des variantes en fonction des contextes, permet à une fonction de réenchanter des sociétés euro-atlantiques qui sont sécularisées. La question que je me pose, elle est double, c'est pourquoi penses-tu qu'il y a une volonté de réenchantement? Et quel est le déterminant social À quoi elle répond, cette volonté de réenchanter la société? Et deuxième élément, c'est quelque chose qui est très peu traité dans les littératures sur l'islamophobie, sur la racialisation des musulmans en général, c'est que c'est l'effet boomerang, entre guillemets, de la racialisation des musulmans sur ceux qui racialisent. Donc on a une littérature sur la construction des blancs comme catégorie, on a tout ce qui est la whiteness, comme Steve Garner, etc., qui ont travaillé sur comment les juifs sont, par exemple aux États-Unis, sont passés de communauté racialisée à de blancs, les Irlandais, les Italiens, etc. Donc on a ce genre d'études, je me demande en quoi la racialisation des musulmans participe à une reconstruction, une reconfiguration de l'identité blanche, entre guillemets. Et si oui, comment on va avoir ton avis sur cette question. On en prend d'autres. J'aurais une question peut-être sur un plan plus pratique, c'est-à-dire comment ces femmes musulmanes dont vous parlez font l'expérience de cette catégorisation raciale, ce processus de racialisation, mais notamment dans une perspective d'intersectionnalité, vous voyez, entre rapport de genre, rapport de sexe, qui ferait qu'il y aurait un sursexisme musulman, un monopole du sexisme en islam, etc. Et comment peuvent se manifester donc ces pratiques de résistance, quelque part? Parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on subit, mais Il y avait aussi le. Moi, dans mon terrain, j'ai été surpris d'avoir été, en tant que musulman, perçu comme un porte-parole. Et à la fin, en off, on me dit voilà, parce que j'ai envie qu'on montre un peu que je suis voilée, mais je ne suis pas soumise, par exemple. Donc, voilà comment peuvent se manifester ces résistances, ces négociations, voilà, sur le niveau du genre, etc. Vers quoi elles vont comme modèle, qu'est-ce qu'elles empruntent, etc. Moi, j'avais juste une petite question, vous avez dit beaucoup de choses qui étaient très intéressantes, donc je ne peux pas toutes les souligner, et j'avais juste une question de détail. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, la généalogie que vous créez, enfin justement, vous disiez qu'il fallait replacer cette idée de musulman dans une généalogie, alors, c'est peut-être parce que je suis historienne que je pose cette question. Et donc, vous avez dit, ça fait un peu comme un halo, c'est-à-dire derrière le musulman, il y a à la fois toutes les autres catégories qui ont été utilisées, immigrées, indigènes, mais... ça rejoint peut-être un peu la question que posait Annalise sur le fait qu'il y a eu des catégories coloniales, c'était français musulmans d'Algérie. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de se dire que dans l'utilisation du terme musulman aujourd'hui, ça s'inscrit aussi dans cette généalogie-là, d'un statut spécifique qui a été attribué. Et peut-être, je me pose cette question aussi, parce que moi, je suis frappée quand je regarde des archives de ces années 50 en particulier, quand ils étaient encore sujets coloniaux, de voir que finalement, l'utilisation d'un terme n'est jamais fixe, c'est-à-dire qu'à la fin, on dit les Algériens, puis les Nord-Africains. Alors, est-ce que les Nord-Africains, c'est parce qu'ils ne pouvaient que les Algériens dedans ou pas? Et finalement, l'administration n'est pas si systématique, ça. Et ça, si ça ne fonctionnerait pas plutôt en champ lexicaux que vraiment en ce terme. Donc, il faut savoir le statut précisément de musulman de cette époque-là dans votre réflexion. Dernière. J'aurais une question sur est-ce que vous pensez que la seule manière de lutter contre l'islamophobie, c'est de lutter contre la racialisation? Parce que en vous écoutant, alors je vous ai entendu sur Mediapart il y a une semaine, et tout d'un coup c'était quelqu'un qui parle, qui envoie des réalités qu'on ne peut pas entendre dans les médias, et finalement maintenant je vous entends au séminaire, et finalement en vous écoutant, je me sens enfermé aussi dans un paradigme de la race, et dans une réflexion sur la race et la racialisation, en plus qui fonctionne beaucoup sur une reformulation de ce grand méchant racialiseur dont on se moque, parce que c'est en même temps très séduisant, parce qu'on reconnaît des choses qu'on subit, qu'on voit, etc. Mais en même temps, est-ce que ça ne reproduit pas finalement cette situation où il n'y a pas de solution de continuité entre un discours qui réduit l'islamophobie à une race, à un problème de racisme, et un discours qui essentialise l'islam. Mm-hmm. Par exemple, je me convertis à l'islam, je suis un Français converti à l'islam. Je dois arriver à assumer moi-même ma race. Donc je suis dans l'islam et je me racialise quelque part. Alors, pourquoi je dis ça, c'est pas pour qu'on remette une couche sur la racialisation, mais c'est plutôt pour dire, derrière la race, il y a des questions morales. Et j'ai l'impression que sur le plan moral, votre exposé était très caricatural, c'est-à-dire on casse du sucre sur le système qui racialise et qui est méchant, mais finalement l'activité morale des acteurs et la manière dont ils se racialisent eux-mêmes ou racialisent les autres dans des situations particulières, on le voit pas forcément, et du coup j'ai l'impression qu'on reste enfermé. Oui. Bon, je vais sans doute être parcellaire et elliptique, je m'en voudrais pas. Je vais essayer de répondre à votre question, parce que, bon, d'abord, il y a des régimes de prise de parole qui sont disjoints, sauf à décourager tout le monde, surtout dans un cadre comme ça, vous avez une petite télé avec très peu de diffusion, bon, c'est clair que... Alors j'essaie autant que possible de ne pas être elliptique, pour le coup, ou trop caricatural, mais je pense que... Il ne me semble pas que ce soit disjoint, parce que j'essaie de déplier ici, hein, c'est-à-dire de cette espèce de constellation que je déploie ici, il me semble qu'elle informe aussi ce que j'avais essayé de dire sur Mediapart. Alors, oui, il n'y a pas grand-chose à disposition de comment on fait pour se débarrasser de l'islamophobie. Mais je n'y suffirais pas toute seule, ça c'est sûr. Donc je n'étais pas arrivée ici en disant « j'ai la solution ». Par contre, je pense que le fait d'admettre l'ensemble des termes qui constituent le problème est déjà une avancée notable. C'est-à-dire le fait de dire effectivement l'islamophobie, c'est aussi quelque chose qui est construit dans un processus de racialisation. Ça nous fait avancer un peu, plutôt que de prétendre effectivement que il y a des objections morales à porter contre ça. Je ne suis pas d'un grand secours pour vous du point de vue des enjeux moraux qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi ? Parce que les économies morales, c'est quelque chose qui... Enfin, l'économie morale, sa production, sa mise en circulation, sa pérennité, sa puissance d'agir aussi, c'est quelque chose qui est très difficile à établir. Et il me semble que, étant donné tout ce que j'ai pu voir à l'œuvre par rapport aux pratiques racistes ou racialisantes depuis à peu près une trentaine d'années, et ça commence, ça fait déjà longtemps que cette question-là est à l'œuvre en France, sous ses reconfigurations multiples et diverses, la position morale me semble être la moins tenable. C'est-à-dire, on ne peut pas en venir à bout en disant c'est moralement pas défendable, quoi. Parce que de toute façon, personne n'est d'accord sur ce qui constitue le fond moral individuel. Donc j'essaie autant que possible d'éviter cette position-là. Je pense que ce n'est pas à raison d'une sorte de dénonciation morale qu'on peut venir, qu'on peut effectivement dire « Non mais comprenez, l'islamophobie, il faut que ça s'arrête. » Ça, j'avoue que je n'y crois pas du tout. Ah non plus, non, non. Le vocabulaire antiraciste en France, il est exclusivement moral et totalement dépolitisé. Donc là, on est totalement démunis. On a des gros problèmes, là, je pense. Et là, c'est une généalogie complète qu'il faut faire. Hein, c'est-à-dire comment est-ce que l'on a littéralement défait, hein, c'est-à-dire désarticulé... complètement arraisonné l'ensemble de la pensée sur le racisme en la réduisant à une posture morale et une posture morale, si possible, non politique. Hein, c'est-à-dire qui à aucun moment n'engage de rapport conflictuel avec le pouvoir politique. Et alors, je pense que de ce point de vue-là, la France est quand même un des terrains les plus riches du point de vue de la capacité à dépolitiser et à moraliser les questions conflictuelles. Donc il faut arrêter avec ça. Donc ça ne va pas nous aider du tout, cette affaire. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas nous... Il n'y a pas de zone de confort. Voilà, en fait, c'est ça le problème. Je crois qu'il faut renoncer aux zones de confort sur ces affaires-là. On est toujours en déséquilibre, on est toujours à... Voilà, c'est la zone d'inconfort qu'il faut admettre. Ce qui fait que... Alors, je ne le dis pas du tout d'un point de vue moral, je le dis d'un point de vue politique. Et aussi d'un point de vue, alors c'est très pompeux, hein, épistémologique, allez, on va dire ça, c'est-à-dire que du coup, la manière de construire, c'est pour ça que je parle de robe, c'est-à-dire qu'on arrête d'utiliser, il faut se dépayser, quoi, il faut arrêter d'être dans une espèce de routine, y compris de la construction problématique des objets, parce que sinon, on reproduit les mêmes choses, quoi. Donc, une espèce de décentrement comme ça, on va voir des choses sous un jour nouveau, on les qualifie autrement, on les assemble autrement, on les constitue autrement pour leur accorder une certaine consistance. Donc après, forcément, elles vous sautent un peu à la figure, hein, c'est sûr, mais bon, il faut faire avec. Donc je crois qu'il n'y a plus d'espace moral du tout pour ça, sur ces questions-là. Ce qui, effectivement, fait que... il n'est pas question d'assumer ma race. En fait, je pensais à ça, je vous ai entendu dire ça. Je ne crois pas que ce soit en ces termes que ça se pose, c'est plutôt en termes de... admettre la dimension, l'activité de la race dans l'ensemble des rapports sociaux. Mais ça n'engage ni plus ni moins quiconque. Ça engage tout le monde. C'est de la même manière que l'ethnicité, c'est pas l'autre. La race, c'est pas l'autre non plus. C'est tout le monde. Voilà. C'est l'ensemble des dimensions et structurelles et interrelationnelles dans lesquels tous les opérateurs sont engagés, qui se considèrent comme agents, comme acteurs, comme sujets. On ne va même pas renvoyer dos à dos les différentes écoles sociologiques. On va se dispenser aussi de ça, parce que c'est une perte de temps, à mon avis. Voilà, quoi. Après, tous les modes de qualification sont possibles. J'espère avoir... Ça me semble une question importante, y compris pour les chercheurs en sciences sociales. Hein. C'est la respiration qu'il faut réussir à trouver, quoi. Parce que sinon, on est tout le temps en apnée, on est tout le temps voilà, quoi, on n'arrive pas à finir ses phrases. Vous voyez, c'est vraiment des enjeux majeurs, encore une fois, du point de vue épistémologique. Si on ne peut pas déployer son propos, ben, c'est même pas la peine d'y aller. Alors ça, c'est un premier point. Alors, pour revenir à ta question, Abdelali, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant à examiner. Ce serait l'abaissement des seuils entre colonial et postcolonial. Hein, c'est-à-dire le fait qu'on soit passé d'une période à l'autre. Tu vois, enfin, je veux dire, on le dit souvent comme ça. On était dans la période coloniale, maintenant on est dans la période postcoloniale, qu'on se le dise. Quoi, hein, enfin, alors, je ne suis pas sûre qu'il ne faille pas en fait, abaisser le seuil, ou en tout cas rendre plus poreuse la limite qu'on établit entre l'un et l'autre. Notamment parce que, alors ça c'est des choses qui ont déjà été dites, que tu connais mieux que moi, sur oui, il y a du colonial dans le postcolonial, il y avait déjà du postcolonial dans le colonial. Donc il n'y a pas vraiment. Ces temporalités-là, elles sont très délicates à manipuler parce qu'effectivement on ne peut pas les dater très précisément. Et du coup, ça nous pose la question de savoir si, alors que le monde colonial était un monde de l'inégalité juridique, on pourrait dire admise, hein, c'est-à-dire statutairement admise, le monde postcolonial sera un monde de l'égalité juridique formelle admise, mais qui en fait ne se traduit jamais dans la réalité. Et donc la question serait celle du processus de racialisation entre les deux contractants, puisqu'en fait il y a bien des entités qui font exister cette égalité, y compris formelle. Et il me semble que là, il y a quelque chose qui est intéressant à examiner. Je le propose comme ça, je ne sais pas très bien si c'est opératoire tout le temps, c'est les régimes de conditionnalité, en fait, qui étaient déjà présents dans le monde colonial et qui, en fait, persistent sous d'autres formes. Là, c'est par exemple ce que tu montres très bien. Conditionnalité pour rentrer dans le groupe. Oui, voilà. Et donc, c'est ce que tu montres, par exemple, sur la naturalisation, très clairement. Il y a un régime de conditionnalité. Il n'y a pas un régime uniforme de naturalisation. Ensuite, tu peux le segmenter, tu peux le fragmenter selon des régimes de conditionnalité multiples. Tu vois. Et donc, ça permet peut-être de comprendre comment est-ce qu'on en vient précisément à racialiser des citoyens. Parce que c'est ça qui va objectiver le régime de conditionnalité dans lequel ils se trouvent. Tu vois, c'est parce qu'ils sont racialisables que, en quelque sorte, tu attestes, hein, au sens y compris juridique, tu attestes du régime de conditionnalité dans lequel il se trouve, qui est un régime, par exemple, de citoyenneté moindre, qui va être sous surveillance, par exemple. Hein, alors c'est ce qu'on voit bien dans les tests. Hein, et avec un régime de surveillance qui se perpétue. C'est pas simplement au moment de la naturalisation, c'est pas au moment de telle ou telle formalité administrative, c'est au quotidien. C'est quelque chose qui finit par devenir, qui régit les rapports entre les individus. Ils sont régis par un régime de conditionnalité que tout le monde peut activer. C'est-à-dire que nous sommes tous les opérateurs de ce régime de conditionnalité. Il n'est pas, c'est même pas la prérogative de l'État ou d'une administration quelconque. C'est quelque chose qui d'ailleurs fait qu'on ne peut pas avoir recours à la morale, parce qu'on peut tous être opérateurs à un moment donné d'une forme de conditionnalité qui va réduire l'espace du droit ou l'espace de l'égalité d'une personne ou d'un groupe. Il n'y a pas des gens vertueux quelque part qui voudraient lutter contre ça, et puis nous serions en train d'essayer de localiser les... voilà, quoi, c'est... Il n'y a ni bon ni méchant dans tout ça, il y a un régime extrêmement fluide, très... voilà, très réticulaire, c'est vrai que... Alors, j'essaie autant que possible de ne pas conduire Deleuze jusqu'au moment où on tombe dans le néolibéralisme, ou dans le tout dans tout, quoi, il faut essayer de trouver des modes pour tenir ça. Mais il me semble que c'est de cet ordre-là. C'est ce qui expliquerait, du coup, que la racialisation est un des opérateurs, comme la sexualisation, par exemple, de cette moindre égalité. Je ne sais pas si ça... Voilà. Alors, pourquoi réenchanter ? Pourquoi le réenchantement ? Pourquoi... Je ne vais peut-être pas répondre à tout, parce que sur ton dernier point, je ne suis pas sûre d'avoir les éléments... Mais sur qui, en fait, il n'y a pas de volonté, voilà, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de volonté de réenchanter le monde, etc., mais c'est une sorte de recours, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas de l'ordre. Je m'intéresse de plus en plus à la représentation que les Européens ont d'eux-mêmes. Et notamment, j'ai écrit 2-3 papiers là-dessus sur les hommes européens. Alors je me suis intéressée, alors, évidemment, tout ça c'est très futile, sur la couleur de la cravate, sur la présentation de soi extrêmement léchée. C'est-à-dire que plus il y a de la violence dans le discours, plus la cravate est claire. On peut le dire comme ça. Hein. C'est-à-dire que... Donc à un moment donné, voilà quoi, on dit, mais c'est l'identité nationale, si vous regardez les opérateurs de l'identité nationale, ils ont tous des cravates pastel. Mauve, jaune pâle. Donc moi, ça me pose des problèmes, quoi. C'est pour le dire comme ça, vous me dites, mais c'est complètement futile. Non, je crois pas. Je crois que dans la biopolitique, il y a des affaires comme ça qui se jouent, quoi. Donc, Est-ce que t'allais pas dans une entreprise de cravate sombre? Oui. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que par contre, le grand chef, lui, il est toujours en cravate sombre. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est intéressant. Donc, alors, le chef à plumes, moi, bah, en fait, c'est ça. Ouais. C'est une espèce de reprise de la veine ethnographique, au sens le plus classique du terme, et qui, en fait, s'appliquerait à la région européenne. Donc c'est comme si, alors évidemment je suis mal placée pour le faire parce que je ne suis pas étrangère à ce monde-là, mais j'essaie de le réexplorer à partir de cette perspective. Et là tu vois bien que ce n'est pas une volonté. C'est de quoi dispose-t-on pour continuer à exister dans ce monde, en fait. C'est une espèce de quête identitaire qui vise, effectivement, hein, ça vise à réassurer identitairement tout un ensemble d'acteurs qui sont complètement... perdu, quoi. Il y a une sorte d'expérience de l'exténuation, tu vois, de l'épuisement d'un monde. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce que tu le refais tenir debout. Donc les postures érigées, par exemple, hein, le fait qu'il y a une espèce de fascination pour le chef, il faut le désigner, il faut le localiser, il faut le trouver. On ne parvient pas à sortir du leader charismatique, quoi. Hein, et donc il se démultiplie, il se dissémine partout, il faut en voir à tous les coins de rue, enfin, plus on en a, mieux c'est. Ça fait partie, en fait, et c'est autant d'opérations de basse intensité de racialisation, parce que c'est pas, tu vois, je veux dire, t'es pas obligé de te sentir agressé par la cravate, parce que je veux dire, évidemment tu te sens pas, mais ça c'est un indice de quelque chose qui renvoie à la recherche, effectivement, de techniques du corps qui vont permettre de reprendre sa place, de retrouver sa place, voilà. Donc c'est un travail de réassurance face à l'exténuation, face à l'épuisement d'un processus civilisationnel. Et là, tu vois, tu peux reprendre des tas de choses du côté d'Elias, tout ça. Enfin, bon, il y a à faire, quoi. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de volonté. C'est pas démiurgique. Et donc, il n'y a pas un grand méchant qu'il faudrait aller débusquer, là. Hop, comme dans Le Magicien d'Oz, vous voyez, d'un seul coup, vous trouvez le type qui a berné tout son monde pendant... C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, donc, c'est sans doute pour ça, effectivement, que du coup, le passage par la blanchité, il se fait pas en termes d'examen du groupe hégémonique, il peut aussi se faire en tant que... Et si on l'examinait en tant que groupe qui se sent menacé ? C'est-à-dire, prendre au sérieux ce qu'il dit. Non, bah, c'est ce qui se dit d'ailleurs. Et si on ajoutait foi à ça, donc quelles en seraient les manifestations? Quels en seraient les mécanismes? C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase qui est absolument essentielle, je crois, c'était de déconstruire la blanchité comme un système hégémonique de pouvoir. Alors, dans un contexte où ce même système hégémonique de pouvoir se sent menacé de toutes parts, ou en tout cas entretient la panique morale de la menace, ce serait intéressant, effectivement, de le prendre au sérieux et de voir selon quel terme il s'énonce. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. C'était quoi la question? Je me suis tellement perdue dans mes développements. C'est sur votre question. Oui, oui, oui, tout à fait. Oui. En fait, c'est effectivement, sur la question des sujets coloniaux, alors on peut d'autant plus s'intéresser à ça qu'il y a quand même eu le moment, bref mais intense, où il y a eu des Français musulmans. Donc ceux-là, ils nous intéressent particulièrement, parce que c'est le moment où on prétend, en quelque sorte, voilà, il y a le second collège, on a changé un peu le droit suite au 8 mai 45 et au massacre en Algérie. Et là, d'un seul coup, le musulman prend une autre tonalité. Il a une autre consistance. Donc, cette parenthèse, qui d'ailleurs coexiste avec, effectivement, la persistance de arabes, de africains, etc. Dans les textes officiels, c'est un peu toujours, comme vous le disiez très justement, il y a une hésitation. Et c'est peut-être, c'est l'hésitation qui est intéressante. Qui était là, dans une période médiévale. On avait vu qu'il y avait, on passait du sarrasin au aux morts oui, musulmans, oui, mohammedans, oui, turcs, oui, ensuite. Oui. Il y a toujours été mouvant. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est l'hésitation qui saisit dès lors que l'on veut nommer. Donc, de quoi l'hésitation est-elle l'indice? Elle dit non pas des objets de la désignation, qui finalement on s'en joue toujours échappé à l'ensemble des hétérodésignations qui ont été les leurs, qui leur ont été imposées, mais que dit-elle du locuteur? Que dit-elle de celui qui a autorité à désigner? Qu'est-ce que ça dit de l'autorité, en fait, à désigner? Est-ce qu'elle est si légitime que ça? Comment s'opèrent, en fait, les tensions et les arbitrages, y compris dans son fort intérieur, pour le dire comme ça? C'est ces éléments-là qui sont intéressants, en fait, et qui font qu'effectivement les musulmans sont remplis différemment. Quoi. Ils ont pas le même contenu, c'est le même contenu, mais c'est pas le même contenant. Ça se remplit de diverses choses. Voilà. Et puis vous aviez une question, ouais. Oui, mais rappelez-moi, comment est-ce qu'elles expérimentent? Alors, je ne vais pas répondre tout seul à cette question, il y a déjà une littérature. Voilà. Celle d'après. Tout à fait, mais je pense que... On va vraiment traiter cette question. Elle sera plus compétente que moi pour répondre sur les modes de réponse. Et alors, sur un aspect qui me semble juste intéressant comme ça à noter, c'est qu'en fait, ce qui est bien, c'est à la fois de découpler et de coupler les notions. C'est-à-dire que je commence à être un peu... perplexe par rapport à la nécessité, c'est devenu un nouvel impératif catégorique, hein, l'intersectionnalité. D'abord, on en a toutes et tous plus ou moins fait sans le savoir. Bien, on est un peu Monsieur Jourdain sur cette affaire-là, n'est-ce pas? Quand je, rétrospectivement, je reprends la problématique du travail sur les beurrets, je me dis, tiens, c'est drôle, je l'ai fait sans le savoir. Bon. Et puis, j'ai jamais nommé ça comme ça, mais c'est pas grave. Hein, je ne sais pas s'il faut nommer d'ailleurs toujours... qualifier de manière très stricte ce qu'on fait. En tout cas, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait. Et voilà, quelqu'un qui lirait ça sans savoir d'où je pars se dit, ah bah tiens, elle fait de l'intersectionnalité. Donc, parfait. Maintenant, devoir le faire systématiquement, je ne suis pas complètement convaincue. Je pense que c'est aussi intéressant, à un moment donné, de dénouer les choses et puis de se dire, qu'est-ce qui se passe en termes de sexisme? Qu'est-ce qui se passe en termes de racisme? Ce qui, d'ailleurs, aussi nous amène à nous interroger sur l'antisexisme, par exemple. De la même manière que l'antiracisme devient son propre fossoyeur, d'une certaine manière, l'antisexisme, dans les différentes séquences récentes antisexistes en France, il y aurait beaucoup à dire. Sur son caractère profondément raciste, certes, mais surtout sur son caractère patriarcal. C'est-à-dire qu'en fait, il sert, puisqu'il a été servi essentiellement, d'ailleurs, par des hommes blancs. C'est ceux-là qui sont montés au créneau. Alors, est-ce que c'est un signe, d'ailleurs, de la réassurance. Oui. Ça serait intéressant. Là, ils disent qu'il faut qu'on sauve l'antisexisme pour continuer à exister. Ça dépend de la couleur des cravates aussi. Gérin, il était en pastel à la commission parlementaire. Oui, il a arboré. Alors, Gérin en plus, hein, Gérin, vraiment. Il avait une cravate pastel à la commission parlementaire. Ça, c'était quand même. Ça allait dans le sens de l'hypothèse, ça. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. C'est déchargé. Je rappelle que la prochaine séance. Il en a construit quelque part. C'est bon.